J'avais peur que la bombe fasse du slalom pendant toute la campagne puis qu'on évite la controverse. Mmh. Non seulement il l'évite pas, mais il a décidé de rentrer dedans avant qu'elle arrive. Ben c'est ça. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Tu sais, je veux dire, c'est des Pee-wee là, qu'il y a devant lui, le maire Labeaume. Puis hier, les sondages, on vous parlera tantôt d'un sondage qui prouve qu'il n'y a pas d'opposition à Québec. Vous les connaissez pas, ils vous intéressent pas, vous savez pas c'est qui David Lemelin, et vous en avez rien à foutre de David Lemelin. C'est ça la réalité. C'est ce que ça dit ce matin, le sondage. Donc, le maire, ce qu'il a décidé de faire, étant donné que il y a personne devant lui pour lui donner la réplique, tu sais, le siège est vide, là. Tu sais, je comprends qu'il veut faire des débats, mais le siège est vide, là. Il y a personne devant lui. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire campagne un peu contre la mollesse du gouvernement péquiste. Lui, il joue, là, sur cette glace-là, actuellement, là. Et ce qu'il vous a demandé hier, c'est de lui donner un mandat fort pour pouvoir les faire comprendre aux péquistes que c'est assez là, de marcher main dans la main avec les syndicats et qu'il faut changer les lois et qu'il faut donner le pouvoir aux municipalités de négocier d'égal à égal avec les syndicats des employés municipaux. C'est ça, là. C'est ça le message que Régis Labeaume a lancé hier.